On assume le pire et le best, on tire sur le reste. Dis-moi, tu veux que j'ai honte de quoi? Des nuits frères, des fois je suis pété, ça je fais la morale à mon point gauche. Mon point droit connaît plus de monde que moi. Le futur est glacé comme une tombe, je me dégèle. Y'a qu'un pas du soleil aux nuits sombres dans les jaunes. On va régler des comptes, pompes, pompes dans les gilets. Dans la rue, quand tu démons, c'est coup de pompe dans l'échelle. Roula! Colonise le territoire, ils disent mon nom, je les amende obligés. Y'a l'OPJ qui fait des roula! Concupe mexicaine, manon court, bolivienne, de microche américaine, canon court. Déguisé en phare, t'as mon vote, t'as le Moyen-Âge, on les vise tous à l'arc. Manon code, pas de claque à mon pote, frère, back, pas mon pif, crate, pas, j'donne à boire du sang, du crack à mon rot. J'vais baise and go, j'arrive au sandal mental de Tchétchenko. Tu vas pas brouiller tous ces petits traves, si grave, j'ai du monde à remplacer, bicrave la Tchétchenko. Comme une bouteille, j'la vide, comme une arme, je la stick. Deux cales de 10 balles compressées sous l'élastique. Touche pour la ourti, ça va tirer pour ti. J'connais 2-3 mecs de la courtie qui mettent du plastique. Fiazo, allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle. Viens me battre, viens me battre. Viens me battre, viens me battre. Allez rentre dans le cercle. Viens me battre, viens me battre. Viens me battre, viens me battre. Allez rentre dans le cercle. Viens me battre, viens me battre. Viens me battre, viens me battre. Allez rentre dans le cercle. Viens me battre, viens me battre. Viens me battre, viens me battre. Des types nord-africains, fallait pas me laisser passer, j'ai la recette des ricains. Jette-nous pas l'œil, on a assez de pépins. Gauche, droite dans l'œil et la lumière s'éteint. Tu te prends pour 50, allez chante Minimen. Balle dans la tête avec 9 mm. Les petits ont grandi, ils ont plus de sentiments. À la dadigno, gros sourire en tirant. Ça regarde du coin de l'œil, ça veut reprendre ton rinté. Ça choisit ton cercueil, mais tu m'as pas l'air inquiet. Pour de la peuf, y'a pas de risque, tourne, paye plein pot. Y'a pas que les cups qui tournent, y'a les frères au dépôt. À la Clint Eastwood, ça va sortir un peu bon. M'a dit baise-les tous, s'arrête pas jusqu'au fond. Viens d'encaisser 10 années de salaire, sa mère. Encore la semaine dernière, moi j'étais en galère. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Viens battre, viens battre. Viens battre, viens battre. Allez rentre dans le cercle. Viens battre, viens battre. Viens battre, viens battre. Allez rentre dans le cercle. Viens battre, viens battre. Viens battre, viens battre. Allez rentre dans le cercle. Viens battre, viens battre. Cocaïna, cocaïna, Pablo Gustavo Totorina. GL Kalash Rere. Sorti du 9-3 assassina. J'mets la lucarne en pleine finale. Pow, villa milliardaire en Gina. Biga légendaire comme Zidane posté à la cité. Puis c'était pas une brigade. Celui qui approche, vais lui faire sa fête. Dans les genoux, pas tarder, mal effet que ça fait. J'vais au stud, mes rêves montent sur une grosse affaire. La short de joue, moi, j'me mange que des appels. T'es super mignon, t'invente pas de vie. Mange ton califactice, là c'est pour de vrai. C'est pas un clip, de la jalousie. Dans les yeux de ces bâtards, jamais j'l'oublierai. T'as vendu 2-3 kills. Pas lourd. Tu te rends pour chez pas qui. Tire-toi de là, comédien. Bande de Herky, j'fais le tour de la France avec son Ebaki. Là la base, t'es basse, mange te pêche. GL, catabasse la basse, signé 93. 9-3, bandit. On sort avec des prothèses, car Dieu les protège. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Viens me battre, viens me battre. Viens me battre, viens me battre. Allez, rentre dans le cercle. Viens me battre, viens me battre. Viens me battre, viens me battre. Allez, rentre dans le cercle. Viens me battre, viens me battre. Viens me battre, viens me battre. Allez, rentre dans le cercle. Viens me battre, viens me battre. Viens me battre, viens me battre. Allez, rentre dans le cercle. Ma maison, son vecteur. Y, elle est connue dans ton secteur. Mon petit frère a foutu en cloque ta petite sœur. Je veux le protéger comme le prince Hector. Jamais à terre, moi, je remonte à bord. Oui, je remonte à bord. C'est moi qui ramène la drogue. À bord de la Rentador, ma gueule, je fais la remontada. Robe masquée, frappe de Moscou, frappe de Bosniak dans la pastèque. Ces bâtards ne veulent pas que tu respires, ils vont te rafaler devant la mosquée. Regarde-moi bien, bien, avant que je t'étale. Tal, violence verbale, viens le robe d'Herbel. Néandertal, bourré comme un Capo Verde. Je fais crier la première. J'ai raté la prière, j'ai forcé le péage, te forcer à payer. Mon reflet dans les nuages, j'attends les jours meilleurs. Je refais pas mon CV mais je m'en refais quand même. Le matin en KS, la veille grec, break. Les salopes ont continué de manigancer. Toute façon les vaillants sont avec YL. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle. Allez rentre dans le cercle, allez rentre dans le cercle. Viens me battre, viens me battre. Viens me battre, viens me battre. Allez rentre dans le cercle. Viens me battre, viens me battre. Viens me battre, viens me battre. Allez rentre dans le cercle. Viens me battre, viens me battre.